الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إن الله بعث نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور ومن الضلال إلى الهدى ومن الجهل إلى العلم بل من الموت إلى الحياة قال ربنا تبارك وتعالى في كتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم فدعا الناس إلى إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة وأعطى كل ذي حق حقه جاء بدعوة مباركة تنفع العباد والبلاد قال ربنا تبارك وتعالى في كتاب العزيز وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فدعا جميع الناس إلى إفراد الله بالعبادة وأكمل الله به مكارم الأخلاق فهكذا جاء إلى إتمام مكارم الأخلاق قال عليه الصلاة والسلام بعثت لأتمم مكارم الأخلاق فكان النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الناس وأرحم الناس وأصبرهم كان أفضل الخلق للخلق أجمعين قال الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فجاءنا بهذا الدين العظيم دين العدل والرحمة دين السماحة والإحسان دين يأمر بكل فضيلة وينهى عن كل رذيلة هذا دين الله هذا دين الله الذي أكمله لنا ورضيه لنا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فالذي يريد أن يعرف ما هو الإسلام فعليه أن يتفقه في سيرة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم فهو الذي يمثل الإسلام والمسلمين وكان كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها كان خلقه هو القرآن، فكان خير الناس، أحسن زوج، أحسن والد، أحسن صاحب، فهو خير الأصحاب وخير معلم وخير مربي عليه الصلاة والسلام. فهو الذي قال الله عنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، كيف لا وهو قد جاء بدين أرحم الراحمين. كان النبي صلى الله عليه وسلم ذا شمائل كريمة وأخلاق عالية، وكل من عرفه أحباه. كان رحيما وذا خلق بالأولاد. عند النساء رحمه الله من حديث شداد بن الهاد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فسجد وركب عليه صبي فأطال النبي صلى الله عليه وسلم السجود، فقال الناس يا رسول الله إنك سجدت بين ظهري صلاتك سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه قد يوحى إليك. قال كل ذلك لم يكن، ولكن ارتحلني ابني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. صححه العلامة الألباني. وكان يمازح الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. دخل يوما في السوق فوجد صحابيا يقال من أهل البادية يقال له زاهر ابن حرام، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبيع متاعه، فاحتضنه من خلفه والرجل لا يبصره، فقال أرسلني من هذا، فالتفت فعرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يلزق ظهره بصدره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري هذا العبد؟ فقال زاهر رضي الله عنه تجدني يا رسول الله كاسدا أي لا أحد يريد أن يشتريني. قال لكنك عند الله لست بكاسد، وفي رواية بل أنت عند الله غال. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رحمة للنساء، أعلى شأنهن، وأمر بإكرامهن، ونهى عن ظلمهن، وأمر بأداء حقوقهن عليه الصلاة والسلام. وفي حجة الوداع أمام جمع عظيم أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بهن خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف العظيم فاتقوا الله في النساء واستوصوا بهن خيرا، رواه البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حثا الأزواج على مكارم الأخلاق بأزواجهن، خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وإن مما يبين كمال ديننا وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث إلا رحمة للعالمين أن هذا الدين رحمة للحيوانات، حتى لمن ليس بآدمي تشمل هذه الرحمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها حتى ماتت، رواه البخاري. ففي ديننا لا يجوز الظلم إطلاقا حتى بالحيوانات. ولما ظلم النبي صلى الله عليه وسلم من قبل قومه من قبل أعدائه مع أنهم يعرفون نسبه وأخلاقه وعلو مكارم أخلاقه وشمائله، أخرجوه من بلده مكة المكرمة، وقتلوا بعض أصحابه، وأذموه وضربوه صلى الله عليه وسلم، فسال دمه الشريف في سبيل نشر رسالة ربه وبيان الإسلام، فصبر واحتسب ولجأ إلى رب العالمين، ودعا الله تبارك وتعالى أن يفرج كربه، وانتظر الفرج من عنده وحده لا شريك له، واجتهد في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وبيان أسباب السعادة للناس ورد الباطل والإشاعات عليه الصلاة والسلام. فهذا الذي يجب على المسلم عند حلول الفتن، أن يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى بصدق اللجوء إليه، وأن يدعوه مخلصين له الدين، وأن يحققوا في أنفسهم توحيد الله تبارك وتعالى واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الخير كل الخير في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وقال: أفضل الإيمان الصبر والسماحة، أفضل الإيمان الصبر والسماحة. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا جميعا بحفظه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. Chers frères, notre prophète et messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé par Allah tabaraka wa ta'ala afin de faire sortir les gens des ténèbres vers la lumière, de l'ignorance vers la science et la connaissance, de l'égarement vers la guidée et la droiture. Il les a même fait sortir de la mort vers la vie sallallahu alayhi wa sallam. Allah tabaraka wa ta'ala nous informe de cela dans le Coran en nous disant, selon la traduction: ô vous qui avez cru, répondez à l'appel d'Allah et du messager afin d'avoir la vie. Lorsqu'il vous appelle à la vie, le fait de répondre à cet appel, l'appel d'Allah tabaraka wa ta'ala, le fait de répondre à l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a dans cela la vraie vie, le bonheur dans ce bas monde et dans l'au-delà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invité les gens, du moment où il a reçu la révélation jusqu'à son dernier souffle, à adorer Allah, et cela d'un culte sincère. Il a suivi le prêche de ceux qui l'ont précédé parmi les prophètes et les messagers. Allah nous dit dans le Coran, selon la traduction: et nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire: n'adorez qu'Allah et éloignez-vous de tout ce qui adorait en dehors de lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également été envoyé afin de nous appeler au noble caractère, au meilleur des comportements. Il nous dit alayhi salatu wa sallam: j'ai été envoyé pour parfaire les nobles comportements, pour parfaire les nobles caractères. Il nous est donc venu pour accorder à chacun son droit, pour accorder à chacun son droit et qu'on s'acquitte de nos devoirs envers autrui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était lui-même la meilleure des personnes, de par son comportement, de par ses caractères. Allah nous dit dans le Coran, selon la traduction, et tu as certes un comportement imminent. Tu as certes le meilleur des comportements. C'était donc la meilleure des créatures, le plus aimé par son Seigneur, le plus aimé par les anges, le plus aimé par ses compagnons et par l'ensemble des gens qui l'ont connu, sallallahu alayhi wa sallam. C'était une miséricorde envoyée pour les mondes, comme Allah nous le dit dans le Coran. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nous ne t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde pour les mondes, pour l'ensemble des gens. Même ceux qui ne l'ont pas suivi ont tiré profit de sa miséricorde et de ses nobles caractères. Allah nous dit dans le Coran, selon la traduction, « Vous est venu un messager issu d'entre vous. Les difficultés que vous subissez lui pèsent lourd. Il est motivé quant à votre guidée. » Il nous est donc venu avec cette religion parfaite, cette religion complète, en tant que miséricorde, cette religion de justice, de droiture, cette religion de bienfaisance et de miséricorde. Il n'y a pas un bien sans que cette religion nous y appelle. Et contre tout le mal, elle nous met en garde et nous avertit. Et celui qui se pose la question de savoir qu'est-ce que l'islam, à quoi est-ce qu'appelle l'islam, qu'il étudie la biographie de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, afin de savoir ce qu'était l'islam, ce à quoi appelle l'islam et à quel comportement enjoint l'islam. Car c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui représente cette religion et qui a mis en pratique parfaitement, sans aucune déficience, cette religion, la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il a été éduqué par son Seigneur, a été envoyé par son Créateur pour propager cette religion, sallallahu alayhi wa sallam. C'était la meilleure des personnes, la meilleure des personnes avec ses épouses, la meilleure des personnes avec ses compagnons, avec les enfants, avec l'ensemble des gens et même envers ceux qui avaient de l'inimitié à son égard, même envers ceux qui l'ont combattu, jusqu'à le faire sortir de son lieu de naissance, Mecca, même envers ceux qui ont assassiné ses compagnons pour avoir choisi l'islam comme religion, même envers ceux qui ont pillé leurs richesses, c'était une miséricorde pour l'ensemble des gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam plaisantait et était agréable à vivre. Il avait les plus nobles comportements avec les enfants et les jeunes. Un jour, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en prière, son petit-fils est monté sur son dos. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est prosterné, son petit-fils l'a pris en tant que monture. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté prosterné, est resté dans cette position longuement. À la fin de la prière, les compagnons qui n'avaient pas vu cette scène lui ont dit au messager d'Allah, tu es resté très longuement en prosternation, au point où nous avons cru qu'il se passait quelque chose, ou que tu recevais la révélation. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'est rien arrivé de cela, mais mon petit-fils m'a pris telle une monture, alors j'ai détesté le faire descendre avant qu'il ne finisse de prendre son plaisir. Voici la miséricorde qui a été envoyée pour les mondes. Voici le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers les enfants. Et alors qu'il était sur le point de mourir, il a fait venir ses petits-enfants et les a embrassés. Un jour, il a embrassé son enfant devant Al-Aqra, un des compagnons radiallahu anhu. Il lui a dit au messager d'Allah, j'ai 10 enfants que je n'ai jamais embrassés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors, man la yarham, la yurham. Celui qui ne fait pas preuve de pitié envers les autres, il ne lui sera pas fait miséricorde. Il ne lui sera pas fait miséricorde. C'est ainsi que nous a éduqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam à être envers les jeunes, envers les enfants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait également le meilleur des caractères et des comportements avec ses compagnons, il plaisantait avec eux. Un jour, il s'est rendu au marché et a vu un compagnon parmi les bédouins qui se nomme Zahir, radiallahu anhu. Il est venu derrière lui, l'a attrapé, l'a soulevé, sans que Zahir ne s'aperçoive qu'il s'agissait du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors Zahir, radiallahu anhu, alors qu'il vendait sa marchandise au marché, a dit: « Qui es-tu? Relâche-moi !» Il n'avait pas vu que c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il a tourné son visage, il s'est aperçu qu'il s'agissait de son bien-aimé, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il n'a plus bougé. Et a collé son dos car il était contre sa poitrine. Il a collé son dos au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour plaisanter, a dit: « Qui veut acheter cet esclave ?» Alors Zahir a dit au messager d'Allah: « Tu verras que je suis invendable. » Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: « Mais auprès d'Allah, tu as une grande valeur. Mais auprès d'Allah, tu as une grande valeur. » C'est ainsi que plaisantait le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ses compagnons. C'était une miséricorde envoyée également aux femmes. Il est venu pour délier les chaînes qui emprisonnaient les femmes dans la soumission. Il est venu pour délier les chaînes qui emprisonnaient les femmes dans la dépravation. Il est venu pour délier les chaînes qui emprisonnaient les femmes. Elles étaient enterrées vivantes à la naissance avant l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est venu à interdire cela. Elles étaient mariées de force. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu à interdire cela. Il a imposé une dot et a imposé l'accord de la femme pour le mariage. Il a interdit d'opprimer les femmes. Il a élevé la place de la femme. Il nous a ordonné de nous acquitter de nos devoirs envers les femmes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam plaisanta avec ses épouses et leur accordait la plus grande considération. Il a fait la course plus d'une fois avec Aïcha après avoir dépassé la quarantaine, sallallahu alayhi wa sallam. Et sa main n'a jamais été utilisée pour battre une femme. Donc où sont ceux qui viennent à dénigrer l'islam en prétendant que l'islam est une religion qui appelle les gens à la barbarie ou au terrorisme ou toute autre mauvaise chose? L'islam est innocent de tout cela. Auprès de toute personne qui juge avec justice, auprès de toute personne qui juge l'islam selon les textes et selon la voie à laquelle nous a appelé notre prophète et messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit concernant les femmes: le meilleur d'entre vous est le meilleur avec sa famille, avec son épouse. Et je suis le meilleur d'entre vous envers mon épouse, envers mes épouses. C'est ainsi que nous a éduqué notre prophète et messager sallallahu alayhi wa sallam. Et lors du plus grand rassemblement, lors du pèlerinage d'adieu, alors qu'il se tenait debout devant l'ensemble de la communauté ayant effectué le pèlerinage, il a dit à ses compagnons: craignez Allah envers les femmes et faites de bonnes recommandations aux femmes. Dans ce grand rassemblement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a élevé la place de la femme comme personne ne l'a fait avant lui et comme personne ne le fera après lui, alayhi salatu wassalam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était même une miséricorde envers les animaux. Envers les animaux. Il nous dit, alayhi salatu wassalam, une femme est entrée en enfer du fait qu'elle a emprisonné un chat. Elle a emprisonné un chat. Elle ne l'a pas laissé sortir afin qu'il puisse chercher sa subsistance. Et elle-même ne l'a pas nourri jusqu'à ce qu'il soit décédé. Elle est entrée en enfer pour cela. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous met en garde contre les mauvais comportements envers les animaux. Donc l'islam a préservé l'ensemble des droits. Pas des hommes seulement, mais également des animaux. C'est donc une miséricorde envoyée à l'ensemble des gens. Une miséricorde même envers ceux qui ont de l'inimitié envers eux. Lorsque les compagnons sont venus le voir, suite aux nombreuses nuisances et agressions qu'ils recevaient de Kuffar Quraysh, ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, invoque Allah contre eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ma bu'ithu la'anan, wa innama bu'ithu rahmatan. Je n'ai pas été envoyé afin de maudire les gens, mais j'ai été envoyé en tant que miséricorde. C'est ainsi que se comportait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors que ces gens l'ont agressé, ils ont assassiné certains de ses compagnons, ils l'ont viré de la Mecque, son lieu de naissance. Et lorsqu'il est revenu à la Mecque et qu'il a eu le dessus sur eux, il ne les a pas assassinés. Alors que c'était la guerre, et dans la guerre les gens meurent, mais cet homme, lui, a été envoyé en tant que miséricorde pour les montres. Il les a excusés. Et lorsqu'ils ont vu son noble comportement et ses nobles caractères qu'il a passé à propager durant toute sa vie, beaucoup sont entrés dans l'islam. Et c'est ce qu'il convient de faire. Si les gens vous témoignent de l'inimitié, il n'y a pas à s'étonner de cela. Car ce qui est véhiculé par les médias, c'est l'islam qui n'est pas l'islam du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sauf ceux qui parmi eux auront fait preuve de justice et de recul dans ces situations et qui auront su faire la distinction entre l'islam avec lequel a été envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et l'islam qui a été dénaturé et l'islam qui a été véhiculé par des gens qui ont innové dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Les musulmans doivent donc montrer aux gens ce qu'est l'islam et se doter des comportements qu'avait notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et ne pas répondre aux provocations ni à l'injustice par de l'injustice. Mais ils doivent se diriger vers Allah tabaraka wa ta'ala et certes se défendre, mais sans jamais opprimer l'autre. Comme nous l'a montré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aussi, chers frères, qu'Allah vous préserve, il nous est parvenu que dans certaines mosquées, ou bien certaines mosquées ont été dégradées, et que certaines personnes musulmanes ont été visées en représailles aux injustices dont vous êtes tous au courant. Comment ces gens peuvent s'en prendre à des musulmans qui s'innocentent et sont innocents de ces injustices? L'islam condamne ces agissements, le meurtre. L'islam condamne l'injustice, quand bien même serait-elle faite sur un animal. Que dire alors d'ôter la vie d'autrui, de personne? L'islam condamne cela et se désavoue de cela. Il ne faut donc pas montrer du doigt ceux qui sont innocents. Et ne cherchez pas à vous défendre. Et ne cherchez pas à vous défendre comme si vous étiez coupable d'être musulman. Mais portez votre religion en étant fier. Car c'est la religion d'Allah. C'est la religion qu'Allah a agréée pour l'ensemble des mondes. وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. Il nous dit subhanahu wa ta'ala dans son livre, selon la traduction, et j'agrée pour vous comme religion l'islam. Mais démontrez aux gens ce qu'est l'islam. Démontrez aux gens ce qu'est le véritable islam. Et parmi les choses qui sont tristes, le fait de voir les médias essayer de nous interviewer, de nous filmer, de nous questionner, lorsqu'il y a des événements semblables, pourquoi est-ce qu'ils ne viennent pas pour savoir ce qu'est l'islam et le propager, ce qu'était l'islam du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le propager aux membres du pays et à l'ensemble des communautés? L'islam se désavoue